gros mioche qu'avant la rue. C'est l'école de futuring qu'on avance avec la ruse et les codes en futuring. Dealer qu'on viole le rap et que la basse se fait bouillard, que la poisse te colle au couillard. Ça frappera et puis bouillard. Je suis la tempête de flammes qui va brûler toutes les ondes. Je rêve d'une trentaine de femmes que je ferai hurler toutes les secondes. C'est du Martin Farage, j'arrache puis hop style. Y'a pas de hit parade, c'est du Farage Nick Hop style. Honorable comme mon code postal. Prends mon rap comme une grosse rate. Un coup de schlasse dans la prostate. 77 All-Star. Pendant que le postal des costables se font recoudre comme du Husband. Niqué vorace, je me fie qu'à mon autorat. Parcours honorable depuis les premiers Goldorak. Une vie de vorace, pleine de vol de face. Ils ont pas les couilles de tirer, ils attendent qu'un pote le fasse. Y'a de la sueur dans ces rimes, à force de surenchérir. Les MC se prennent pour des tueurs en série. Là, là tu vas saigner de l'oreille. Si tu veux sceller nos règles, on va t'enseigner nos règles. Le rap c'est nous, faut-il le préciser. Couscous de la daronne vaut tout le caviar grillisé. Bande de petites merdes, les douilles se dispersent. Un spiff d'herbe et je prends la speed de Steven Spielberg. MC Kalashnikov, MC M16, MC Karabina, à la recherche d'une belle Latina. On sait d'où viennent les diams d'Anvers. Enfilez vos pampers et bienvenue dans les flammes de l'enfer. On a la frappe de Mark Landers. Fuck ta Black Rangers. Révolutionnaire comme les Black Panthers. C'est John Abrosi, Kalash de Tunzi. En 4 Rossi, Kalash de Tossi. J'm'arrache à Gucci, ma tasse mon Pucci. Et j'm'arrache comme on arrache un sac Gucci. On sait à quoi les petites putes servent. Ce coup-ci j'vous récite le théorème du beat pulsaire. C'est la rage qui innove. Mister Ulcer, Mister Farashnikov, mais un peu plus terne. On n'a pas eu le sort de Francesco Totti. Là où seule la carrière d'un grand escroc te motive. Cherche pas à rendre les autres fautifs. Si l'enfer est sur terre, quand est-ce qu'on te rôdit? Je frappe comme les 12 coups de minuit. Le Kung Fu Chinui, F1R, le couscous circuit. Je paierai les nerfs à vivre, ça c'est ma thérapie. Un peu comme le coup de poule de Zizou sur ma terrasse. Je rappe pour ceux qui ont pas eu le pack plus 5. Posté dans le carreau avec une chicha et un capucin. Je te parle de ceux qui ont flairé la thune zinc. Y'a pas de capucin pour se serrer la dure zinc.